Plugs, le son. S'il te plaît. Allez! Le cercle, mon équipe. Ta femme en a ta femme, mec. T'inquiète, on est quitte. T'inspète mon esprit. Se barre par mon cul. J'me casse au Mexique sur Alama domestique. Les mecs disent oulala, tu m'excites. Mais au rendez-vous, vous bandez mou comme la lame de l'escrime. Tralala, moi j'estime que j'suis un voyou. Car voyez-vous, moi dans le tram, je resquis. T'as pas de balame, les filles. J'suis un droïde car je mélange la malobac à mes spliffs. J'ai mal au mic à l'échtise. J'en ai marre. Vu que je suis mal vu comme un anard dans cette ville, je me fais la mal à prestitre. Mais faut que je te montre un truc énorme sous ma carapace en textile. T'appelleras sa modestie, mais je dis moins de conneries que dans les paragraphes de l'église. Je fais du rap, je m'exprime. Quand je vois les hommes, mec, c'est quand la voix résonne qu'on existe. Je tiens le bar, je fais que vivre. Dès ce soir, je m'en vais décevoir ce qu'à la base m'estime. Ce gars là-bas, je l'esquive carrément, car il ment plus qu'un gars normal ne respire. Combien de choix me reste. On fait la fête et je te paye un verre de lubrifiant comestible. Je m'en bats la race et m'extirpe. Bon d'accord, je prends la porte sous le panneau marqué exit. Je vois le roi qui fait le pitre. Avec la reine, il fait disparaître une bouteille dans la teja de celle-ci. Pas trop mal et sexy, je l'attache là et l'exhibe. Même si le roi et moi on s'exile, je t'explique. La suite est trop salace et mesquine. Il boit la tasse au fond d'un lac avec un sac à ses chevilles. Arras cut à la machine. Et faut que ça groove bébé. Delirium numéro 1. Je fais du rap, je m'exprime. Quand je vois les hommes, mec, c'est quand la voix résonne qu'on existe. Je nage en plein délire avec un flotteur à chaque bras. Mais faut que tu saches, gars, j'ai besoin d'écrire. Je fais du rap, je m'exprime. Quand je vois les hommes, mec, c'est quand la voix résonne qu'on existe. Je nage en plein délire avec un flotteur à chaque bras. Mais faut que tu saches, gars, j'ai besoin d'écrire. Ya. Numéro 1. Comme un paix foireux dans ta piscine. Écoute, on s'en bat les couilles, on veut du old school, au secours. Delirium numéro 1. Ça a toujours le son. Ça a l'air d'aller. Et Flo, je l'assure. Hey, prochain morceau du projet de ce monsieur qui est là, détiré. Bientôt disponible, faites du bruit, les mains en l'air.